Jean-Philippe, je sais pas si tu te rappelles, le matin, encore aujourd'hui, il y a une émission matinale. T'es plus là, mais elle existe encore. Mais elle existe encore, c'est ça. C'est pas de ma faute. C'est ça. C'est ça. C'est pas parce que je suis plus là que ça existe plus. On sait, la pérennité est assurée avec moi et Stéphanie Paradis. Et je pense que, en tout cas, à moins que je me trompe, depuis le début de la session, tu travailles, je pense que tu travailles de sûrement 5h le matin à 4h59 le lendemain matin, ici dans les bureaux en ce moment. Oui, tout je peux dormir là. C'est bien. Et mais t'as pas l'occasion souvent d'écouter la radio, de t'asseoir et de dire « Ah, je vais écouter Assemblage requis. » Mais on je peux me consoler en me disant que... Il existe toujours un segment nommé « Un instant classique ». Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 1er septembre 2014. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce mardi 2 septembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Hello, Stéphanie. Salut Mathieu. C'est le premier matin de l'automne. Ah, oh, bon, on dirait même pas que c'est l'automne avec cette magnifique petite musique d'intro qui sonne si joyeux. Je ne suis pas autorisé à discuter de la question. D'accord. Hey, tu vois, un vrai, là, presque semi-wannabe politicien. Wannabe. Wannabe. Oui, oui, wannabe. Wannabe. Wannabe. Wannabe. Wannabe. C'est les Spice Girls. Oui. If you wanna be my lover. Je parle. Sinon, c'est plate. C'est ça. C'est doll. Oh, doll! Oh. C'est poupée. C'est la fin. Baby doll. Yeah. Non, mais ça dépend si c'est un U ou un O. Mm. Doll avec un U, ça veut dire plate. Ou D-O-L-E. Ça, c'est une banane. Moi, je prends la banane. Okay. Est-ce que vous manquez de sommeil? Ben, comme je disais tantôt, ben, pas en onde, là. Fait que c'est comme si je l'avais pas dit tantôt. Mais nous, on le savait. Fait qu'on va faire comme ça, on savait pas. Ok. Oh, c'est surprise. Ça. Tu sais, quand tu te lèves le matin, j'ai pas fini. Ah, ok. Quand tu te lèves le matin. Quoi? Wow! Quand tu te lèves le matin. C'est incroyable! Unbelievable! Oh, papa, celle-là. Ouais. Puis que ta brosse à dents, tu sais. Puis que ta brosse à dents est encore 30. Non! De la veille! Parce que t'as pas assez dormi. C'est un signe. Pour le spectacle de demain soir, on va jouer du Radio-Radio, du Mister Valère, du Dead Obies et du Debbie Tabs pour les prochaines journées. En fait, hier, aujourd'hui et demain. Pas hier, t'as pas là. Mais aujourd'hui et demain. Donc on va en faire jouer hier. On va en faire jouer rétroactivement hier. Faites comme si on avait fait jouer 3-4. Il se passe tellement de choses dehors. Et tout l'été, on a utilisé le micro magique pour notre chronique La Bouffe de la semaine. Ouais. On voulait entendre de près l'ouverture d'un produit culinaire, alimentaire, tu sais. Oui. Généralement, ça sonnait plastique. Ça sonnait une ouverture de bouteille. Ça sonnait. Hein? Mais moi, j'ai envie d'entendre, mettons, qu'est-ce qui se passe dehors en ce moment. Là. Mettons, si je trouve le micro magique. Fais pas ça, il y a vraiment du bruit. Hein? On vous entend! OK. Voilà pour. pour on ça. Est tellement immature. C'était le fun. Mais surtout toi. J'oublie tout le temps mes musiques de transition vers la pub. Je vais arrêter de le dire, je vais juste me rappeler de les mettre. Oui, puis ça gâche un petit peu le punch de. Il est pas marqué, ça. Non, ça n'aurait pas marqué, moi. C'est plus. Comment dire, subtil, là. Ouais, c'est ça. Peu subtil. Comme la radio, d'habitude, ouais, c'est. Ouais. C'est bien fun, cette petite musique-là. C'est fun, hein. J'ai le goût de boire un pinot colada. Ouais, veux-tu une pub? C'est tout ce que j'ai une pub. Es-tu alcoolisé? Ben. Non, mais. Et on the rocks, parce qu'elle rock encore, là, t'es vide! Ah, c'est le moment de la chronique que je pense que j'aime le plus faire en tant que telle. Je trouve que c'est celle qui est la plus intéressante dans ces sujets. Est-ce que ça dit quelque chose? Non, pas vraiment. Je vois rien qui correspond au critère que tu as mentionné. Je m'en vais au restaurant de poulet. Okay. Je me prends du poulet avec des petites sauces. Hein. Je me dis, hey, je vais ramener une sauce chez nous. Ça. Je l'oublie là. Dans la même poche que mes clés. Faites pas ça. Quoi? Parce que le lendemain, je suis arrivé et j'avais plein de sauce, miel et moutarde dans le pantalon. Mais t'es... Je te jure. Ça me rend bizarre parce que c'est comme jaune. Ouais. Oh! Anecdote. Wow! T'es carré. Donc aujourd'hui... Ça arrive tellement juste à toi. C'est ça, c'est mon genre de choses. Donc, on va aussi parler de choses qu'on peut célébrer en septembre. Yay! Yay, septembre! C'est-tu le mois du beurre? J'allais le dire. Ah, on se comprend à toi, Ben... Le mois de septembre commence, on est rendu quoi, le 3? Oui. Parce qu'hier, on était le 2, c'est le début de la saison. Je pense qu'avant hier, c'était le premier. Ou le 1. Oui, avant ça, c'était le 0, j'imagine, septembre. Oui. Avant ça, moins 1 septembre. Oui, exactement. Tout tourne autour du mois de septembre. À cause du beurre, de septembre beurre. Exactement, on reste collé dedans. Écoute, non, moi, si tu me dis, c'est là qu'on dort, on se couche, puis c'est fini. Je dors. Bon, mettons que j'arrête tout ça, puis on s'en va se coucher. Comment? C'est le poste d'écoute de Sondage Requin avec Stéphanie Paradis. Eh bien oui, ça c'est moi, ça. Enchanté. Hey! Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Bien, merci. On n'a pas le test terminé. Oui, donc on peut recommencer à se tutoyer et à s'envoyer promener. À qui de doigt mange la main. Veuillez agréer mes envoiements de chier. Wow, le vulgaire, là. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Hello. Salut. On a failli vivre une situation d'urgence. Là. Tu savais pas trop quoi faire avec ta cuillère remplie de smoothie. Une chance que j'étais là pour te sauver la vie. Mais oui, moi, j'étais totalement désespérée. J'ai brossé mon smoothie, mais là, c'était un mauve vif, là, un violet intense et profond. Et là, j'avais la cuillère pleine de smoothie. J'étais en détresse. Qu'est-ce que je fais avec? Hein? Moi, normalement, je l'aurais lancé dans l'évier, mais là, j'ai pas dévié. Et Mathieu, dans toute sa sagesse, lèche-la. J'avais oublié que c'était une possibilité. Une chance que je suis là. Mais vraiment? The Pretty Reckless is going to hell à Sondage Requis. Oh oui. Tu voulais nous réveiller comme du monde? Ben, tu sais pourquoi pas. Hein? Les affaires de de piano, là, de l'intro, là, hein, tu sais, ça réveille pas assez. Hein? Mais non. C'est ça. Les sifflottements, hein, on va se le dire. On accueille Laurent Constantin. Son retour, en fait, et étant donné qu'il n'y a pas encore de vrai titre, premièrement, on va essayer de lui en trouver un en onde. Je pense que c'est notre tradition, hein. Surtout toi. Surtout moi. On pourrait peut-être appeler ça Déchiffrons le campus. Déchiffrons le campus. Et, moi, j'avais des suggestions. T'sais. Oui, Steph est bon public. Toi, je sais pas si tu vas être bon public. Moi, j'avais pensé à La Constance du Constantin. Un peu comme La Constance du Jardinier. T'sais. C'est un film, c'est un livre. T'sais. La Constance du Jardinier. Ça me fait un petit peu penser au rap du pape de Daniel Lavoie. Ça rime trop. Ouais. Okay. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Richard Martineau à la TV. Hein. Il y avait Franchement Martineau. Oui. Franchement Martineau, ouais. Franchement. Est-ce que c'est comme Franchement Martineau, comme dans Il est bien honnête? Ou c'est-tu genre, mais là, Franchement Martineau, comment? T'sais? Alors, Laurent Constantin, ce serait Constamment Constantin. Constamment, hein? Constamment. Il est Constamment Constantin. Tu le vois, là, tu sais, il est Constamment Constantin. Ben, oui, mais il n'y a pas de double sens. Un air d'empereur infini, je sais. Mais il n'y a pas de double sens quand on a Franchement Martineau. Non, on perd un petit quelque chose, mais en même temps, il s'appelle Laurent Constantin. Faut faire avec. Hier, avant d'aller au spectacle de la rentrée, hashtag rentrée QTR. Oui, oublie pas le hashtag, ça se rendra pas nulle part. Faut bien non plus qu'hier, on était le 03 septembre. Oui, J'ai dit ça tout le long de l'émission hier, personne ne comprend. C'est écrit 03 septembre sur le poster, l'affiche du spectacle. Non, tout le monde a compris. Tout le monde a compris la référence. Tu nous sous-estimes. J'avoue que je sous-estime les gens. C'est outrage. Et en passant, tu peux pas faire un œuf miroir là-dedans parce que tu pourrais pas tourner ton pain. Un œuf miroir, c'est un côté. T'as bien raison. Et ça peut être tourné, pas pété. Pas pété comme une marionnette, là. Pas pété. C'est le verbe de marionnetter. Le célèbre verbe, comme on dit tout le temps, marionnetter. Les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 1er septembre 2014. Vous le savez peut-être pas, mais étant donné qu'on est le mercredi maintenant au Palmarès Fou, on fait la semaine précédente. Précédente, celle des Palmarès. C'est ça, parce que là, à un moment donné, ça fera pas jeudi, lundi, mardi, mercredi. Là, le montage, c'est lundi au jeudi. De 6h30 à 9h30, collier assemblage requis. Donc, le montage le mercredi suivant au Palmarès Fou. Mais soyez avec nous, Stéphanie Paradis. Et là, je suis là, on a des chroniqueurs les plus variés, des petites intros de sifflotement, de c'est ton hop la vie, puis ah ouais, dedans. C'est le fun. Oui. Lundi au jeudi. À assemblagerequis.com pour les balados diffusion et les notes de l'émission, bien sûr.